Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Thank you. We already studied Middha Bhavana during 2 days. If we analyze, first one, aham aviro homi, avyabhajo homi, aniyo homi, sukhi adhanam parihrami. Nous avons étudié le Metta Bhavana, le texte de l'amour bienveillant. Nous avons vu que les premiers paragraphes de Aham Aviro Homi jusqu'au paragraphe Amakam Araka Devata sont appelés les particuliers. En pali, on dit Odisha Metta. Metta s'adresse à des personnes en particulier. Le troisième paragraphe, Puratimaya Disaya, etc., est appelé Disafana, extension des directions. Combien de Disafana? 480 metta d'extension des directions, plus 48 metta communs, cela donne 528 sortes de metta, qu'on appelle les métas saints, S-A-I-N-T. Le méta a deux opposés. Il y a tout d'abord la colère, dosa, et un deuxième opposé, plus subtil. Imaginons que, par exemple, il y ait deux personnes qui soient très amies. Elles vont s'entraider pendant tout un temps. Elles feront preuve d'un amour très pur entre elles. Et puis, à partir d'un certain moment, les choses vont changer. Et à cause de tanha, le désir avide, il est possible que leur attitude change. Dans les Écritures, on dit que tanha, qui est en fait le désir avide, se déguise parfois en metta. On devra pratiquer l'amour bienveillant metta de ces trois façons, en envoyant metta systématiquement aux particuliers, aux communs et dans les 10 directions. Donc il faut travailler de façon très systématique et suivre cet ordre, envoyer metta partout. Il faut procéder comme un bon jardinier ou un bon fermier qui s'apprête à semer son champ. Il commence par préparer le sol et ensuite il va semer ses graines de façon très systématique pour finalement recouvrir toute la surface du sol. On donne aussi l'exemple du pêcheur qui s'apprête à attraper du poisson. Il va lancer un premier filet assez large et puis il va prendre un filet plus serré et finalement il va utiliser un filet très fin pour attraper même les petits poissons. Donc, c'est de cette façon-là que nous devons envoyer metta, en travaillant très systématiquement. Et finalement, nous allons utiliser notre filet très fin pour vraiment recouvrir la totalité des êtres vivants dans l'univers tout entier. Et c'est la dernière partie du texte que nous allons voir maintenant, qui est en fait une nouvelle façon d'envisager metta, qui recouvre toutes les précédentes. Du plan le plus élevé au plan le plus bas, dans l'univers tout entier, que tous les êtres qui vivent sur Terre soient libres de la souffrance mentale et de l'inimitié, de la souffrance physique et du danger. Du plan le plus élevé au plan le plus bas, dans l'univers tout entier, que tous les êtres qui vivent dans l'eau soient libres de la souffrance mentale et de l'inimitié, de la souffrance physique et du danger. Du plan le plus élevé au plan le plus bas, dans l'univers tout entier, que tous les êtres qui vivent dans l'air soient libres de la souffrance mentale et de l'inimitié, de la souffrance physique et du danger. Bhakti vous montre une carte des plans d'existence. Tout en haut, il y a le plan le plus élevé, et puis tout en bas, ce sont les enfers, c'est le plan le plus bas. Entre ces deux extrêmes, il y a toute une série d'êtres qui vivent. Et le premier paragraphe concerne les êtres qui vivent sur la terre. Le deuxième paragraphe concerne les êtres qui vivent dans l'eau. Il y a des êtres qui vivent dans les océans, par exemple. Tous les êtres qui vivent dans l'eau, quel que soit l'emplacement entre ces deux extrêmes, on leur envoie également des pensées bienveillantes. Et enfin, le troisième paragraphe concerne les êtres qui vivent dans l'espace, dans l'air, comme par exemple ici, il y a des êtres qui vivent dans l'espace ici, entre ces deux extrêmes que sont donc plans les plus élevés et les enfers. Donc il y a beaucoup d'êtres qui vivent dans l'air, il faut leur envoyer également des pensées positives, puissent-ils tous être heureux, en paix, en bonne santé et vivre longuement. Karuna veut dire compassion, amabilité, gentillesse. Cette qualité est très présente dans le christianisme et est symbolisée par la Vierge Marie. Partout, quand on se promène, on voit des potales avec la Vierge Marie. Bhante explique qu'il était en Pologne et qu'il avait l'habitude de voir des vierges blanches, que tout à coup, il a vu une vierge noire. Il a demandé à ceux qui l'accompagnaient pourquoi la vierge était tout à coup noire. Le Polonais qui était avec lui lui expliquait que dans le christianisme, ces deux vierges ont des rôles différents. La vierge blanche, c'est celle à laquelle on s'adresse pour les événements heureux, comme un mariage, un baptême. La vierge noire, c'est celle à laquelle on s'adresse lorsqu'on a des problèmes, des difficultés. Bhante se demandait aussi pourquoi les gens s'adressent souvent plutôt à Marie qu'à Jésus. Alors de nouveau, le Polonais lui a expliqué que Marie, la Vierge, c'est la mère de Jésus et donc elle a la réputation d'être plus compatissante que Jésus et c'est pour cette raison qu'on s'adresse souvent à elle. Karuna veut dire pitié, quelqu'un qui prend pitié, qui a de la compassion. Quand il voit les autres souffrir, il est plein de pitié. À ce moment-là, on s'adresse plutôt à Marie, la Vierge Marie. Dans le Mahayana, on voit aussi des représentations d'un bodhisattva féminin du nom de et donc elle est très très représentée dans le Mahayana et surtout à Singapour, à Hong Kong, on voit des immenses statues de ce bodhisattva féminin. Il faut savoir qu'il y a deux écoles dans le bouddhisme, le Mahayana et le Theravada. Dans le Mahayana, il y a beaucoup de Bouddhas, il y en a au moins 12. Dans le Theravada, il n'y en a qu'un. Parmi ces 12 Bouddhas du Mahayana, il y a notamment un Bouddha qui porte un nom qui veut dire celui qui regarde en bas. Il voit tous les êtres qui se trouvent dans la détresse en bas. Donc c'est un Bouddha de compassion. Dans le Mahayana, il y a donc plusieurs Bouddhas, mais en réalité tout cela n'est pas très différent en essence, parce que dans le bouddhisme théravadin, on considère que l'unique Bouddha a beaucoup de pouvoir, notamment metta, karuna, mudita, donc ça revient un petit peu au même. Okay. Metta veut donc dire amour. Cet amour, on le retrouve dans la société, les parents ont de l'amour l'un pour l'autre, pour leurs enfants, les enfants ont de l'amour pour les parents, les amis entre eux, etc. Tout cela, c'est metta. Bien ensuite, karuna, la compassion. C'est très naturel d'avoir spontanément de la compassion ou de la pitié quand on voit quelqu'un qui est en difficulté ou qui souffre. Une deuxième interprétation de karuna, c'est comparer. On se compare soit avec celui qu'on voit ou ceux que l'on voit. On comprend que soi-même, on est bien, on est heureux, alors que l'autre ne l'est pas. Et alors, tout naturellement, on va vouloir venir en aide à cette autre personne. Karuna va se manifester spontanément dans notre esprit, surtout à notre époque actuelle où on assiste à toutes sortes de choses terrifiantes qui se passent, comme par exemple cet avion qui s'est écrasé, comme ce qui se passe dans certains pays où on coupe les têtes des gens, etc. C'est tout à fait naturel d'expérimenter à ce moment-là de la peine, à la vue de tous ces gens qui souffrent. Et il n'y a pas que les humains qui souffrent, les animaux aussi souffrent. Puis ensuite, mudita, la joie sympathique. Lorsqu'on voit des gens qui souffrent, il est tout à fait naturel de ressentir de la pitié. Mais lorsque les gens ont du succès, qu'ils réussissent dans leur entreprise, c'est plus difficile de se montrer heureux. Bien souvent, on n'est pas heureux, on est plutôt malheureux de voir que les autres ont réussi. Donc mudita, la joie sympathique, est quelque chose qui est plus difficile à développer que metta et karuna, qui sont assez naturels. Donc maintenant, à propos de mudita, la joie sympathique, Bhante explique que l'absence de mudita est très notoire dans tous les domaines. Par exemple, à l'école, les enfants sont en compétition l'un avec l'autre. Sur 50 élèves, il n'y en a que quelques-uns qui vont atteindre les sommets. Et parmi ces quelques-uns qui vont atteindre les sommets, il y a une terrible compétition. Si un d'entre eux atteint la première place, les autres, en général, sont plutôt mécontents que contents. Au bureau aussi, il y a beaucoup de compétition. Lorsque certaines personnes réussissent à obtenir un poste qui était brigué par d'autres, ces autres ne sont pas heureux, ils sont incapables de le féliciter pour son succès, ils sont plutôt mécontents et fâchés. Donc il faut apprendre à exprimer sa joie et à féliciter les gens lorsqu'ils remportent des victoires. Si on ne le fait pas, on doit bien comprendre que le jour où nous, on atteindra ces sommets, on fera également surgir la jalousie plutôt que la joie sympathique chez les autres. À cause de cette absence de mudita, il n'y a pas d'harmonie dans la société. Et vient enfin le dernier état sublime, upekkha, l'équanimité. L'équanimité, c'est tout envisager correctement. Dans quelques circonstances qu'on se trouve, il faut essayer de tout comprendre correctement. Il est tout à fait naturel d'être parfois critiqué et parfois de recevoir des éloges. Ce sont les hauts et les bas de la vie, c'est tout à fait naturel. La personne qui est mûre mentalement comprendra que la vie n'est faite que de cela, de hauts et de bas. Parfois on sera heureux, parfois on sera malheureux. Parfois les circonstances seront positives, parfois négatives. Upekkha, l'équanimité, consiste à accepter tout cela et à tout envisager sans attachement ni colère. Il faut tout prendre tel que cela se manifeste, sans attachement ni colère. Mais ceci est très difficile à réaliser. Seules les personnes mûres peuvent y arriver. Et qu'est-ce qu'une personne mûre ? Une personne mûre, c'est une personne qui a pratiqué la méditation, qui a fait cette recherche, cette investigation d'elle-même, qui a réussi à comprendre en quoi consiste réellement sa personnalité et qui, sur base de cette compréhension correcte, son esprit s'est stabilisé et elle devient capable d'équanimité. Donc, dans les commentaires de l'Abhidhamma, on illustre tout ceci par l'exemple d'une femme qui aurait 4 enfants. Le premier est encore tout petit, il est adorable, très gentil, mignon, et la maman a beaucoup d'affection et de tendresse pour ce premier enfant. Le deuxième est un peu plus âgé. Hélas, il a la polio et donc il a une vie beaucoup plus difficile. Le troisième est une fille qui est brillante, très active, très jolie. Elle atteint toujours des résultats excellents à l'école. Et la quatrième, ou le quatrième enfant, c'est déjà un adulte, il a quitté l'université, il a un statut d'indépendant et il vogue sans problème dans la vie. Alors pour le premier enfant, la mère a beaucoup de metta, le petit qui est si mignon. Le deuxième qui a la polio, elle a de la compassion. Le troisième, la jeune fille qui est brillante, elle a de la joie sympathique. Et pour le quatrième qui est indépendant, il n'a plus besoin d'elle, elle a de l'équanimité. Il peut voguer sans problème dans la vie. Proplayen, po pramavihara, metta, karuna, mudita, upekkha. During meditation time as well in your daily life, accordingly, conditionally. May all of you be well, happy, peaceful, successful, and love life. Sadhu. Sadhu.